Chapitre 46e, les cagoules noires. Le 1 et le 2, suivis de Paulin Broquet et son lieutenant Gabriel, s'engagèrent dans l'ouverture de la trappe, juste assez large pour donner passage à un homme. Sur eux, la trappe se referma, et les barres la scellèrent. On ne pouvait maintenant ouvrir la trappe que si ces barres de sûreté étaient manœuvrées. Un escalier en pierre, qui tournait en colimaçon rapidement, reliait le cabinet où les quatre compères se trouvaient, aux galeries dans lesquelles tout à l'heure allait s'engager la bande des Igomars. Ces galeries faisaient partie des anciennes carrières d'où l'on tira pendant des siècles les pierres dont s'édifiait à Paris. C'était un embranchement oublié, perdu, des catacombes, dont l'entrée officielle se trouve, on le sait, assez loin de là, sur la place d'Enfer Rochereau. Les catacombes forment sous Paris un réseau d'une étendue considérable, que l'on ne connaît pas entièrement, que l'on ne repérera probablement jamais. Le réseau officiel, réparé, arrangé, répertorié, qu'on visite, n'est pas le plus intéressant. Il en est d'autres, séparés de lui par des éboulements, qui forment des réseaux spéciaux et sont autrement pittoresques et attrayants. Quelques-uns même, car ils sont variés à l'infini, se trouvent en plus ou moins mauvais état et sont aujourd'hui des caves bien tranquilles, sous des maisons bourgeoises. D'autres, demeurés secrets, ont gardé leur caractère dramatique de souterrain où se tiennent des assemblées dans le genre de celles qu'allait avoir lieu dans quelques instants. Les catacombes, qui commençaient sous le débit sinistre de la baleine, partaient dans la direction de Gentilly, mais se trouvaient coupées par des éboulements ou des travaux de maçonnerie à la hauteur de la butte aux Cailles. Le quartier dans lequel ces catacombes passaient était alors des plus curieux pour les amateurs du Paris dramatique, du Paris spécial qui ne ressemble en rien à l'autre, au Paris lumière. Autrefois, la basse pègre tenait ses assises autour de Notre-Dame, dans la cité, puis dans le quartier Saint-Séverin. Celle qu'on montra longtemps, grand personnage en tournée dans des établissements portant des noms effroyables, n'était formée que de figurants du crime. La vraie n'était pas là. Cette population énorme s'est éparpillée en différentes régions de la capitale. Elle prend, selon le quartier, un caractère différent. Les malandras de Montmartre, de Belleville, ne ressemblent pas à leurs confrères du Maine et du Sébasto. Ceux de la barrière d'Italie ne sont pas les mêmes que leurs cousins germains établis au point du jour. Une seule chose leur est commune, le crime. L'antre de la baleine donnait sur la rue Jonas, comme nous l'avons dit. Cette rue, au nom biblique, se trouvait dans un grouillement de petites voies étroites, courtes, basses, tortueuses, qui forment un coin à part dans ce quartier. La rue Jonas court entre des rues au nom luxueux, rue des Cinq Diamants, au nom champêtre, butte aux Cailles, réconfortant, rue de la Providence, de l'Espérance. Mais la rue centrale évoque le nom du plus célèbre des bourreaux, Samson. C'est sous ces rues que serpentaient les catacombes où les aides avaient établi leur nouveau repère. Pour y pénétrer, il fallait passer, comme nous venons de le voir, par la trappe qui se trouvait dans un des cabinets réservés aux patates de l'établissement du père Fricard. Cette entrée, ce trou, cette ouverture carrée donnait sur un escalier qui tournait à pic autour d'un énorme pilier de pierre. Les marches de cet escalier avaient en largeur à peine plus que la longueur d'un pied d'homme. Un seul homme y pouvait trouver place. Aucune rampe ne courait pour guider ou retenir. L'escalier tournait deux fois sur lui-même dans une hauteur de 6 à 8 mètres. Il était taillé à même dans le grès que l'on exploitait dans cette carrière et constituait un de ces tours de force de la main-d'œuvre d'autrefois dont l'ingéniosité nous étonne toujours. Dans la colonne de pierre d'où semblaient partir les marches, deux niches étaient creusées pour recevoir un homme. La première de ces niches se rencontrait quand la tête de celui qui descendait en tournant se trouvait en dessous du plancher dans lequel s'ouvrait la trappe. La deuxième guettait le nouvel arrivant à 3 mètres du sol du souterrain. Cet escalier, datant de plusieurs siècles, avait servi à des confréries secrètes dont nos aïeux étaient si friands, auxquels ouvriers, bourgeois, nobles s'affiliaient. Il était construit de façon à offrir toute garantie contre l'intrusion d'un profane. L'homme de garde de la première niche du haut, sous le plancher, laissait passer le profane, le non-affilié, devant lui, sans la moindre objection, la plus petite demande de mot de passe, de signe de reconnaissance. Car la règle voulait que, sans question, sans arrêt, on dit le mot, on fit le signe en passant devant le premier garde. Le garde, ne reconnaissant pas l'homme qui descendait pour un compagnon, le laissait passer, mais il avertissait l'homme de garde du bas. Le profane était pris. Aucune défense n'était possible pour le malheureux sur cet escalier étroit, rapide, glissant. Infailliblement, il était tué. Quelque part plus loin, une fosse le recevait à jamais. En descendant cet escalier, Paulin Broquet ne pouvait s'empêcher d'admirer l'ingéniosité des hommes qui l'avaient construit et de frémir en pensant aux scènes de drame dont ces marches mortelles avaient dû être le théâtre, souvent. Il se disait que ce soir, cette équipée commençait à devenir, de sa part, extrêmement imprudente, qu'elle le mettait encore une fois à la merci de son ennemi Zigomar. Mais cette descente affirmait aussi la conviction que le 1 et le 2 jouaient franc jeu avec lui, car il ne pouvait admettre chez eux une habileté poussée au point de l'abuser, lui, si complètement sur leur sincérité. Toutefois, dès maintenant, Paulin Broquet possédait, grâce à ses deux complices, à peu près tous les secrets de la baleine. Il était, comme le 1 et le 2 le lui avaient dit, à même de remplir les fonctions d'assesseur, de revêtir la cagoule noire et de servir d'intermédiaire entre les aides et le grand Zigomar. Alors, l'idée tout à coup germa dans l'esprit du détective d'occuper vraiment la place du 1 et de faire tenir à Gabriel celle du 2. Jamais occasion pareille ne se représenterait qui lui permettrait de pénétrer ainsi dans le secret de Zigomar, de l'approcher, et peut-être de détruire d'un coup magnifique cette puissante association de malfaiteurs. Pendant qu'il aidait le 1 et le 2 à organiser la séance, qu'avec Gabriel il allumait et accrochait les lampes à acétylène qui devait éclairer la réunion, cette idée bouillonnait en son cerveau. Il connaissait à présent parfaitement les êtres du souterrain, le moyen d'en sortir, d'empêcher qu'on y pénétrât. Il savait quelles étaient les fonctions du 1 et du 2, la conduite à tenir au cours de la séance. Dans le public, les hommes à lui suffisamment nombreux se trouvaient, qui immédiatement exécuteraient n'importe quel ordre qu'il donnerait. Si la bataille s'engageait, il pouvait compter sur la victoire. Vraiment, c'était tentant. Comme il se trouvait à côté de Gabriel, légèrement à l'écart des deux compagnons, il lui dit rapidement un mot à l'oreille. Gabriel tressaillit et répondit « Oui ».« Bon », fit Paulin Broquet. Le 1 et le 2 s'étaient approchés d'un des piliers énormes qui soutenait le plafond de la salle où la séance allait avoir lieu. Ils appuyèrent fortement sur un des angles. Un cube de pierre se détacha, glissa pour montrer dans ce pilier une excavation d'environ 1 mètre. Dans cette cachette se trouvaient en des caisses de bois divers objets, des vêtements rouges et noirs, des cordes, des accessoires, des instruments de supplice, parmi lesquels le détective reconnut la vis sans fin, la garotte, avec lequel on l'avait torturé dans le grenier de la maison de Zulma. Le 1 et le 2 prirent dans cette cachette le drap rouge orné du Z qu'ils passèrent à Paulin Broquet pour l'étendre sur la planche formant le tribunal, la tribune de Zigomar, pendant que de leur côté, ils accrochaient derrière cette tribune le grand drap dans lequel flamboyait également l'immense Z symbolique. Puis, ils disposèrent sous la tribune une corde, un poignard, un revolver. Sous la tribune, dans une caissette, ils mirent les cagoules rouges dont devait s'affubler, avant que les aides entrassent, le grand Zigomar et les membres de son conseil. Alors le 1 jeta un dernier coup d'œil à tous ses préparatifs. « Ça va ? » dit-il à Paulin Broquet. « Nous allons remonter. L'heure va sonner. Il faut être là-haut pour ouvrir la trappe et faire passer nos hommes. Allons. » Avant de quitter la salle des séances, le 1 tira sur une corde et un long rideau rouge glissa sur une tringle qui vint, comme la toile d'un théâtre, masquer le tribunal. Le 1 donna de nouvelles explications au détective. Comme il n'y a qu'une entrée, Zigomar et son conseil pénètrent avec tout le monde dans la baleine. Eux seuls passent derrière la toile, revêtent ses cagoules et forment le tribunal. Parfois, Zigomar, qui connaît naturellement le secret de la trappe, pénètre bien avant l'heure dans le souterrain. Il se tient dissimulé dans une des nombreuses galeries, et quand je tire le rideau, sans qu'on ait vu personne passer, Zigomar apparaît. « Oui, » fit Paulin Broquet qui semblait émerveillé. « Zigomar est très habile, très fort. » Le 1 secoua les épaules d'un air de doute. « On verra, » dit-il. Puis il ajouta. « Quant à nous, deux et moi, nous n'avons plus qu'à revêtir nos cagoules noires et à faire le service que vous connaissez. » Le 1 et le 2 s'étaient munis en effet d'un paquet d'étoffes noires roulées. C'étaient les cagoules des assesseurs. Le 1 et le 2 ensuite baissèrent les lampes de la grande salle. On ne leur ferait rendre leur pleine clarté que quand Zigomar l'ordonnerait, quand la séance serait ouverte. Quant au couloir, il n'était éclairé que par la lueur falote de petites lampes à essence. Dans le souterrain régnait le silence absolu que ne coupait point le pas des quatre compères. Le sol spongieux, humide, gras, étouffait le bruit de leur marche. Les ombres sur les murs s'allongeaient puis diminuaient, selon qu'ils approchaient d'une lampe ou s'en éloignaient, et ces ombres semblaient mener autour d'eux une danse fantastique. La voie prise par les quatre compagnons pour retrouver l'escalier de pierre décrivait quelques courbes où se coupait à angle brusque. Cela provenait de l'exploitation de la carrière durant laquelle on avait dû suivre les fantaisies du filon de grès attaqué. De ce couloir principal partaient d'autres galeries qui fuyaient à l'infini vers des directions inconnues. Comme les quatre compagnons arrivaient au pied de l'escalier de pierre, Paulin Broquet, au hasard de la marche, toucha l'épaule de son lieutenant. Gabriel toussa légèrement. Les quatre compagnons firent encore un bout de chemin, la pince et le un marchant côte à côte, le deux et le harpon allant de même en avant. Paulin Broquet tout à coup cria « Hop !» Gabriel répondit « Hop !» et les deux détectives, ensemble, soudain mirent un pied, tout en marchant, derrière les jambes de leurs compagnons, et tendirent un bras à la hauteur de la gorge. C'est le premier coup de self-defense dans la rue. Il réussit le plus souvent. Ici, il ne devait pas faillir. Surpris par cette attaque aussi soudaine et vive que parfaitement inattendue, le 1 et le 2 tombèrent à terre sans qu'ils eussent eu le temps d'essayer la moindre défense. À terre, ils tentèrent de se débattre. Mais que pouvaient-ils espérer? Ceux qui les tenaient ne leur permirent même pas de pousser un cri d'appel. Sur leur figure, ils tenaient appliqué fortement un mouchoir. Dans ce mouchoir se trouvait un anesthésique puissant. Une minute après, le 1 et le 2 dormaient du plus profond sommeil.